flash verbal, mais le son aval. Flash verbal, mais le son aval. Flash verbal, mais le son aval. Flash verbal, mais le son aval. Flash verbal, mais le son aval. Flash verbal, mais le son aval. J'arrive dans la rime populaire jusqu'à Chine. Illégal comme le crime, flash verbal assassine. Pendant que tu fumes le ah, moi je domine le rap. Alerte à l'attaque, j'assomme comme une matraque. L'instru de mes jeans que j'utilise, c'est là d'où je fais mon bise. Et c'est dans la nouvelle crise. Je me brûle dans le rap comme Messi dans le football. C'est dans le rôle de l'attaque, tous les autres MC au goal. Rap jusqu'à la moitié, tout en tout et mis soufflé. Les gros ça me casse les couilles, donc le rap c'est ma patrouille. Les MC je les pèse, signature c'est le 13. Chaud comme la braise, je place mon flow à l'aise. Un ARS pour la vie, un ARS, ma patrie. 13 hommes entrés pour un rappeur d'élite. Mes rimes sont gratuites pour ta famille, un coup de cric, aussi un coup de cric. Je vois que tu m'imites. De voir ma ville, mon équipe, toute ma clique. De voir l'asile, ma musique, tout ce cirque, tout ce cirque. Les flots comme neurones, les chansons avec la troll. La galette, moi je la croque, cette époque, moi je m'en moque. De voir ma ville, mon équipe, toute ma clique. De voir l'asile, ma musique, tout ce cirque, tout ce cirque. Les flots comme neurones, les chansons avec la troll. La galette, moi je la croque, cette époque, moi je m'en moque. Je m'en moque, nous contrôle, le temps nous voir en tol. Ainsi, check une lock, ma musique te débloque. Marianne à la gole, pas ceci qui nous colle. Bande de fils de pute, viens la mettre droit au but. J'expose mon discours, frères et sœurs, c'est du lourd. Nos pros sont les freestyles, nécessaires comme nos médailles. Contenu épicite, c'est là d'où vient ma musique. SNOR, plus profond que l'enfer. C'est pour tous les terres, nord, sud, est, ouest. Ok, c'est nord, cher. C'est leur premier sur la scène. Viens voir ma ville, mon équipe, toute ma clique. Viens voir l'asile, ma musique, tout ce cirque. N'ai plus aucun neurone et je fonctionne avec la troll. La galette, moi je la croque. Cette époque, moi je m'en moque. Je m'en moque. Ma ville, mon équipe, toute ma clique. Viens voir l'asile, ma musique, tout ce cirque. Tout ce cirque. N'ai plus aucun neurone et je fonctionne avec la troll. La galette, moi je la croque. Cette époque, moi je m'en moque. Bra, bra, c'est nord. Ok, N3-2008, c'est mort assassin, S-E-N-O-R. Clash verbal, clash verbal.